prochains jours les différentes modalités de mobilisation que nous comptons mettre en œuvre. Pour l'heure, nous appelons à manifester dans les 8 points d'appui le samedi 9 janvier. Car aujourd'hui, encore une fois, le premier vient de prendre un arrêt de vie sur le point d'appui de la Vous savez, le peuple guadeloupéen est immobilisé, nous sommes plusieurs dizaines de milliers dans les rues, mais tout se passe bien et nous allons continuer. Vous appelez à la grève générale? Nous avons déposé un préavis de grève à compter du 9 janvier et nous allons déterminer dans les jours qui viennent les différentes modalités de nos manifestations. Mais nous serons présents sur tous les terrains. Donc de nous parler, non, d'autant plus que nous connaissons et qu'ils n'ont pas de réponse.